Ce lundi à Assemblage requis, on discute politique avec François Landry. Comme à chaque jour, il y aura une chronique CNX. Et on rêvait de les recevoir depuis longtemps, ils ont créé notre chanson thème d'Assemblage requis. Vanessa Parietter sera en studio pour performance et entrevue. Tout ça lundi, 15h.